بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس الثالث في شرح كتاب صلاة التراويح من صحيح البخاري. Bienvenue aux chers frères et sœurs pour ce troisième cours, cette troisième intervention dans l'explication du chapitre de la prière de Tarawih tiré du livre Sahih al-Bukhari. وقد وصلنا إلى ما أخرجه البخاري رضي الله رحمه الله عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد. Nous sommes arrivés donc au texte qu'a cité le Bukhari rahimahullah selon عبد الرحمن ابن عبد القاري, qui dit qu'il est sorti durant une nuit avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu durant une nuit de Ramadan. Il est sorti vers la mosquée. Le hadith qu'on a vu hier. فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه. Et donc les gens, ils étaient en groupe distinct, séparé. L'homme qui prie tout seul. وَيُصَلِّ الرَّجُلُ فَيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ. Il y a aussi un homme qui prie, et derrière lui, un petit groupe, entre 3 et 9, qui le suivent. فَقَالَ عُمَرْ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلْ. Omar a alors dit, certes je vois que si je rassemblais tous ces gens-là sur un seul récitateur, ça aurait été mieux. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. Ensuite, Omar a concrétisé cela, il les a tous fait prier derrière Ubay ibn Ka'b. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. Puis, donc Abdurrahman qui nous dit, puis je suis sorti avec lui une autre nuit, et les gens, ils priaient avec leur récitateur. Et donc tous derrière un imam. قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. عمر رضي الله عنه il a dit, quelle bonne innovation que celle-ci, et certes celles qui font après avoir dormi, donc la prière qu'ils vont faire après avoir dormi est meilleure que celle qu'ils font, donc maintenant, tout de suite après, l'Isha. Et cependant, les gens, donc Omar, il veut dire par celle-là, la prière, donc, en fin de nuit. Mais les gens, eux, ils prièrent en début de la nuit. Quand on a parlé de ce sujet, hier, on a abordé ce sujet, on a abordé ce texte, et on a expliqué certains passages. On a intentionnellement donc retardé un sujet qui est la parole de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, ni'mal bid'atu hadhihi, quelle bonne innovation que celle-ci. Ayyuha al-ikhwa, al-bid'atu fi al-lugha ma uhditha 'ala ghayri mithalin sabiq. Oh cher frère, l'innovation dans la langue arabe, c'est ce qui a été inventé. Ce qui a été inventé et qui n'existait pas auparavant. Voilà ce qui est voulu par l'innovation dans la langue arabe. Et al-bid'a fi shar'a at-taqarrub ila Allah ta'ala bima lam yashra'hu. L'innovation dans la législation, c'est le fait de chercher à se rapprocher d'Allah, c'est le fait d'adorer Allah avec ce qu'il n'a pas légiféré. Le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec ce qu'il n'a pas légiféré. Kulna amsi, inna Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, لم يقصد بكلامه هذا البدعة البدعة في الشرع لأن صلاة التراويح من الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح بالناس جماعة كما هو مذكور في حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف بعد أثر عمر. Et donc on a dit hier que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il ne voulait pas dire par là que il ne voulait pas par là l'innovation dans la législation. Ce n'est pas ce qui était voulu dans sa parole. Car la prière du Tarawih fait partie de la législation. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un acte qu'une personne va accomplir alors que Allah ne l'a pas légiféré. Non, la prière du Tarawih en groupe, en jama'a, fait partie de la législation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli la prière du Tarawih en groupe, comme cela a été cité dans le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, que l'auteur Al-Bukhari, rahimahullah, a cité après le texte de Omar. فَجَمَعَ النَّاسَ خَلْفَ إِمَامٍ وَاحِدٍ. فَجَمَعَ النَّاسَ خَلْفَ إِمَامٍ وَاحِدٍ. Et donc Omar, radiallahu anhu, il a rassemblé les gens derrière un seul imam. Il a rassemblé les gens derrière un seul imam. وَهَذَا الْعَمَلْ مِنَ الدِّينِ. Et cet acte fait partie de la religion. Ce n'est pas une innovation. وَلَمْ يُحْدِثْهُ عُمَرْ. Et donc, ce n'est pas un acte que Omar a innové. وَإِنَّمَا أَعَادَ مَا تَرَكَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خشية أن يفرض على الأمة. Cependant, Omar radiallahu anhu, il a donc remis ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait délaissé par crainte qu'il ne soit rendu obligatoire à la communauté. فأعاده عمر لأن الوحي انقطع والدين كامل. Et donc Omar a remis cela parce que la révélation est arrêtée, la religion est complète. Et donc le Tarawih ne peut pas devenir obligatoire. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mes bienfaits. Et j'ai agréé, j'ai accepté l'islam pour vous comme religion. Idan, la yukol, inna Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, yara anna min al-dini ma huwa bid'ah hasana. Et donc, on ne peut pas dire que Omar radiallahu anhu, il voit que dans la religion, il y a des choses qui sont de bonnes innovations. On ne peut pas dire cela, comme le disent certains. وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّ الْبِدَعَةَ تَنْقَسِمُ إِلَى بِدَعَةٍ حَسَنَ وَسَيِّئَةٍ وَمُبَاحَ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Et certes, les gens de science qui ont pu dire que l'innovation se divise en bonne innovation, mauvaise innovation, innovation autorisée, licite, etc. Et donc, les gens de science qui ont dit cela se sont trompés. Qu'Ibn Hajar wa Nawawi, tel qu'Ibn Hajar, ainsi que Al-Hafidh al-Nawawi. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yarhamahuma. وأن يرحم علماء المسلمين عموما. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de leur faire miséricorde à tous les deux, Ibn Hajar ainsi qu'Al Nawawi, et de faire miséricorde aux savants de la communauté de façon générale. ولا يجوز الاعتماد على قول عالم إن خالف الدليل. Et il n'est pas permis de s'appuyer sur l'avis d'un savant si celui-ci contredit ou s'oppose à la preuve. Si celui-ci diverge de la preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira » Celui d'entre vous qui a une longue vie verra beaucoup de divergences. « Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin » min al-rashid al-mahdiyina min ba'di. Et donc, accrochez-vous à ma sunna ainsi que celle des califes bien guidés après moi. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Accrochez-vous fermement à celle-ci. Accrochez-vous à celle-ci avec vos molaires. Accrochez-vous en à pleines dents. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Et prenez garde aux choses inventées. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Car certes, toute chose inventée est une innovation. Wa kulla bid'atin dalala. Et toute innovation est un égarement. Wa kulla dalalatin finnar. Et tout égarement est dans le feu. Et tout égarement est dans le feu. Fa kalamu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 'ammun kulla bid'atin dalala. Et donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est générale. Toute innovation est un égarement. Fa kayfa yuqal inna fil bid'i ma hiya hasana. Alors comment pouvons-nous dire que dans les innovations il y a des innovations qui sont bonnes? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il nous dit toute innovation est un égarement. Comment pouvons-nous dire après cela que certaines innovations sont bonnes? فَعَلِمْتُمْ أَنَّ الْعَالِمَ إِنْ أَخْطَأَ لَا يَجُوزُ مُتَابَعَتُهُ فِي الْخَطَأَ. Et donc vous avez compris, ô chers frères, que le savant, lorsqu'il se trompe, il n'est pas permis de le suivre dans son erreur. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدْ رَحِمَهُ اللَّهُ عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان. Imam Ahmed rahimahullah il nous dit: je suis surpris de certaines personnes qui connaissent la chaîne de transmission et son authenticité et qui malgré cela vont suivre l'avis de Soufiane. Il dit cela alors que Soufiane fait partie des grands imams de cette communauté, mais lorsqu'il s'est trompé et que des gens le suivent, cela n'est pas correct. Ensuite, il continue l'imam Ahmed rahimahullah, il nous dit qu'il dit Allah Ta'ala, Allah Ta'ala qui dit: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui dévient de son ordre craignent qu'ils ne soient touchés par une fitna, par une fitna, ou alors qu'ils ne soient touchés par un châtiment douloureux. L'imam Ahmed rahimahullah qui dit: et adri mal fitna, sais-tu ce qu'est la fitna? El fitna tu ashirk. La fitna, c'est le polythéisme. La'allahu idha radda ba'd qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayr fayahlak. Il se peut que si celui-ci rejette certaines de ses paroles, certaines des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut que ne tombe dans son cœur une part de l'égarement et qu'ensuite il périsse. فذكر العلماء قاعدة في كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاجتماع للتراويح فقالوا إذا وجد المقتضي ووجد مانع فليس في فعله بدعة. Et donc les savants, ils ont dit: si il y a une nécessité, si la nécessité est présente et que cependant il y a un élément qui... Excusez-moi, non. Les savants, ils ont cité une règle. Les savants ont cité une règle. Dans le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a délaissé la prière commune, la prière en groupe pour le tarawih. Ils ont dit que si il y a une nécessité, mais qu'il y a un élément qui nous empêche d'accomplir un acte. On a une nécessité d'accomplir cet acte, mais il y a un élément qui nous empêche de l'accomplir. Alors, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé cela. Il a délaissé cet acte. Il y avait une nécessité à son époque. Il y avait une nécessité qu'il le fasse. Mais il y a un élément qui l'a empêché de le faire. Alors, il ne l'a pas fait. Ou il l'a délaissé. Et donc, aujourd'hui, si nous le faisons, parce que la nécessité est toujours présente et qu'on n'a plus cet élément qui nous empêche de le faire, alors, ceci n'est pas une bida. Ceci n'est pas une bida. Comme le tarawih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il y avait la nécessité. Quelle est la nécessité? La nécessité de rassembler tout le monde derrière un imam. L'union. Ahammiyat ijtima al-kalima. Le fait donc que les gens s'unissent, c'est important. Cependant, il y avait un élément qui empêchait cela. Quel est cet élément? Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il craignait que cet acte devienne obligatoire. Et donc si aujourd'hui, nous n'avons plus cette crainte que cet acte devienne obligatoire, et donc le fait de le faire aujourd'hui n'est pas une innovation. Nous ne pouvons pas dire que c'est une innovation. Et les savants, ils ont abordé ce même sujet pour Mukabbirat al-Saut, les micros, hein, pour les enregistrements, Tazdilat, les enregistrements des cours qu'on fait actuellement. Ils nous disaient donc, la nécessité, elle était présente à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le besoin justement de se faire entendre, etc., d'envoyer aux gens la vérité. Cependant, il y avait quoi? Il y avait un élément qui empêchait cela. C'est que, eh bien, à l'époque, ce n'était pas possible d'enregistrer les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un dictaphone. Ce n'était pas possible. Donc, à l'époque, donc, de faire le Eden avec un micro pour que tout le monde entende correctement le Eden. Hein? Et donc, à partir de là, le fait qu'on le fasse aujourd'hui, ce n'est pas une innovation. Ce n'est pas une innovation. Taïb, Alex, aujourd'hui le contraire. Ida wujid al muqtadi wa laysa hunaka mani' wa tarakahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa tarkuhu sunnatun wa fi'luhu bid'ah. Et donc si il y a la nécessité, il y a la nécessité. Et qu'il n'y a rien qui empêche cela. Rien n'a empêché au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le faire. Et donc il y a la nécessité qui était présente, mais il ne l'a pas fait. Et donc, si on le fait aujourd'hui, et donc excusez-moi, il y a la nécessité, mais cependant il n'y avait rien qui empêchait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire l'acte. Il l'a délaissé, il ne l'a pas fait. Alors si on le fait aujourd'hui, ceci est une bida, et le fait de délaisser cela est une sunna. Le fait de délaisser cela est une sunna. Exemple. Parmi les exemples sur ce sujet, on a par exemple El Maulid. Fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils nous disent, c'est pour montrer l'amour du prophète, pour mettre en évidence l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour mettre en évidence le haut rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous disons, est-ce que la nécessité, elle était présente à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, le fait de montrer l'amour du prophète, le fait de montrer justement le rang du prophète, l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela était présent même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, est-ce qu'il y avait quelque chose qui empêchait le prophète de le faire? Vous leur demandez, est-ce qu'il y a quelque chose qui empêchait au prophète de fêter sa naissance? Ils vont vous dire non. Et donc, Et il l'a délaissé, le prophète, il a fait l'anniversaire ou pas? Est-ce qu'il a fêté sa naissance? Non. Tayyib. Idan, tarkuhu sunnatun wa fi'luhu bid'a. Et donc le fait de délaisser cela est une sunna, et le fait de le faire est une bid'a. C'est une innovation. Le fait de le faire, c'est une innovation. Et donc voilà pour le cours d'aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et donc on comprend l'importance, aux chers frères, de s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, l'importance de comprendre le fait que... Donc de comprendre ce qu'a compris Omar radiallahu anhu. Omar qui a remis le tarawih, pourquoi? Parce que maintenant on ne craint plus, que le tarawih devienne obligatoire. Pourquoi on ne craint plus cela? Tout simplement parce que la révélation s'est estompée. Il n'y a plus de révélation par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a plus donc de révélation. La religion elle est complète. On ne peut la changer. Et il y a ici un point essentiel, très important. Le fait de comprendre qu'on ne peut rien rajouter à la religion. La révélation est terminée. On ne peut rien rajouter à la religion, elle est complète. Voilà pourquoi nous disons à tout innovateur, toute personne qui tombe dans une innovation, est-ce que tu connais mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que cet acte que tu accomplis, cette croyance que tu as, est-ce que c'est quelque chose que tu connais et que le prophète ignorait? Hein? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait cela, mais qu'il ne l'a pas transmis? Il a donc trahi. Hein? Il a donc trahi sa mission. Il est important que les gens méditent sur cela, les conséquences de leurs paroles, les conséquences de leurs actes. Cette innovation que tu fais signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis le message. Ou alors tu vas me dire que non, on ne dit pas qu'il n'a pas transmis, mais on va dire que ah, il ne connaissait pas. Et donc tu connais mieux que lui. Subhanallah. Dans les deux cas, la situation est grave. Dans les deux cas, c'est grave. Et donc, oh chers frères, nous ne pouvons pas connaître mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la législation, ou nous ne pouvons pas connaître l'islam mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons donc faire attention à nos actes. Nous devons faire attention à nos paroles. Faire en sorte que nous soyons conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va arrêter là pour aujourd'hui. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.